Au nom de Dieu. Histoire de la mort de Joseph le pieux vieillard, dont la vie fut de 111 ans, ce qui arriva le 20e du mois de Ab. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a raconté cette histoire à ses disciples, au mont des Oliviers, sur les travaux de Joseph et la consommation de ses jours. Les apôtres conservèrent ce discours, et le firent consigner par écrit dans la bibliothèque à Jérusalem. Que leur prière nous protège. Il arriva un jour que le Sauveur, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, était assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Tous étaient réunis ensemble et il leur dit : « Mes frères et mes amis, enfants du Père qui vous a choisis parmi tous les hommes, vous savez que je vous ai souvent annoncé qu'il fallait que je sois crucifié et que je meure à cause du salut d'Adam et sa postérité, afin que je ressuscite d'entre les morts. J'ai à vous confier la doctrine du Saint-Évangile, qui vous a déjà été annoncée, afin que vous la prêchiez dans le monde entier. Je vous couvrirai de la vertu d'en haut, je vous remplirai de l'Esprit-Saint, quand vous annoncerez à toutes les nations la pénitence et la rémission des péchés. Car un seul verre d'eau qu'un homme retrouve dans le siècle futur est plus précieux et plus grand que toutes les richesses de ce monde entier. L'espace que peut occuper un seul pied dans la maison de mon Père l'emporte en excellence et en valeur sur tous les trésors de la terre. Et une seule heure dans l'heureuse habitation des justes donne plus de joie et a plus de prix que 1000 années parmi les pécheurs. Quant à eux, leurs gémissements et leurs plaintes ne cesseront pas, leurs larmes n'auront pas de fin, et ils ne trouveront, à aucun moment, ni consolation, ni repos. Et maintenant, vous qui êtes mes membres honorables, allez prêcher à toutes les nations, portez-leur la nouvelle loi en leur disant. Le Seigneur informe chacun diligemment de l'héritage auquel il a droit. Il est l'administrateur de la justice, et des anges qui châtiront ses ennemis et combattront au jour de la bataille. Car Dieu examinera chaque parole oiseuse et insensée qu'auront dites les hommes, et ils en rendront compte. Personne ne sera exempté de la loi de la mort. Et les œuvres de chacun seront mises au grand jour au moment du jugement divin, qu'elles furent bonnes, qu'elles furent mauvaises. Annoncez cette parole, que je vous ai dite aujourd'hui, que le fort ne tire pas vanité de sa force, ni le riche de ses richesses, mais que celui qui veut être glorifié se glorifie dans le Seigneur. Il fut un homme instruit nommé Joseph, né à Bethléem, la cité du roi David de la tribu de Juda, savant dans la doctrine de la loi, qui fut fait docteur dans le temple du Seigneur. Il exerça aussi la profession de charpentier en bois. Il prit une épouse selon l'usage des hommes et engendra d'elle des fils et des filles, à savoir, 4 fils et 2 filles. Et les noms des fils sont Jude, Juste, Jacob, Jacques et Simon. Les noms des 2 filles, Assia et Lydia. Enfin l'épouse du juste Joseph mourut après avoir eu pour but la gloire de Dieu dans chacune de ses actions. Joseph cet homme juste, mon père suivant le monde, et le fiancé de ma mère Marie, travaillait à son métier de charpentier avec ses fils. Quand le juste Joseph devint veuf, Marie ma mère bénie avait achevé sa 12e année, ses parents l'avaient offerte dans le temple lorsqu'elle n'avait que 3 ans, et elle passa 9 ans dans le temple du Seigneur. Quand les sacrificateurs virent que cette vierge craignant Dieu entrait dans l'adolescence, ils parlèrent entre eux disant « Cherchons un juste et pieux à qui confier Marie jusqu'au temps de ses noces, de crainte qu'il arrive dans le temple ce à quoi les femmes sont sujettes, ne péchons pas son nom pour que Dieu ne s'irrite. » Envoyant immédiatement des messagers, ils convoquèrent 12 vieillards de la tribu de Juda, ils écrivirent les noms des 12 tribus d'Israël. Et le sort tomba sur Joseph le juste, un pieux vieillard. Et les sacrificateurs dirent à ma mère, « Va avec Joseph, demeure avec lui jusqu'au temps des noces. » Et Joseph le juste reçut ma mère, et il la conduisit dans sa maison. Et Marie trouva Jacques le mineur, qui était abattu et désolé dans la maison de son père, à cause de la perte de sa mère, et elle en prit soin. De là vient que Marie a été appelée la mère de Jacob. Ensuite Joseph la laissa dans sa maison et alla dans l'atelier où il exerçait la profession d'ouvrier charpentier. La Vierge resta dans sa maison 2 ans, jusqu'à sa 14e année achevée. Je la chéris d'un mouvement particulier de la volonté, avec le bon plaisir de mon Père et le conseil de l'Esprit-Saint. Je fus incarné en elle par un mystère qui surpasse l'intelligence de toute créature. 3 mois s'étaient écoulés après la conception, quand Joseph l'homme juste revint de l'endroit où il exerçait son métier et reconnut que la Vierge ma mère était enceinte. Il fut troublé dans son esprit et songeait à la renvoyer en secret. Dans sa peur, sa tristesse et l'angoisse de son cœur, il ne put ni boire ni manger de ce jour. Vers le milieu du jour, Gabriel le prince des anges lui apparut en songe, exécutant l'ordre qu'il avait reçu de mon père en lui disant « Joseph, Saint-Fils de David, n'aie crainte de recevoir Marie pour fiancée, qui enfantera un fils conçu de l'Esprit-Saint, que tu nommeras Jésus, c'est lui qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer. » L'ange s'éloigna ayant ainsi parlé. Joseph sortit de son sommeil et obéit à ce que l'ange du Seigneur lui prescrit, et Marie resta avec lui. Quelque temps s'étant écoulé, il parut un édit de l'empereur Auguste, que chacun sur terre habitable, se fit inscrire dans sa ville natale. Et le juste vieillard Joseph sortit et prit avec lui Marie. Quand il vint à Bethléem, Joseph inscrit son nom sur le registre, car Joseph fils de David, fiancé à Marie, était de la tribu de Juda. Le moment de sa délivrance approchait, Marie m'enfanta dans une caverne près du sépulcre de Rachel, femme du patriarche Jacob et mère de Joseph et de Benjamin. Mais Satan alla annoncer ces choses à Hérode, le grand-père d'Archelaüs. C'est Hérode qui ordonna de décapiter Jean le Baptiste, mon ami et parent. Pensant que mon royaume était de ce monde, il me fit chercher avec soin. Mais le pieux vieillard en fut averti en songe, et en se levant, il prit ma mère qui m'emporta dans ses bras, et Salomé se joignit à eux pour les accompagner dans leur voyage. Parti de sa maison, il se retira en Égypte et y demeura une année entière jusqu'à ce que le courroux d'Hérode se fût dissipé. Hérode mourut d'une manière horrible. Il portait le poids du sang innocent qu'il avait versé en faisant injustement périr des enfants, en lesquels il n'y avait pas de péché. Hérode se tirant un pied étant mort, mes parents revinrent dans la terre d'Israël et ils habitèrent dans une ville de Galilée nommée Nazareth. Joseph reprit son métier de charpentier et gagnait sa vie par le travail de ses mains. Jamais il ne devait sa nourriture au travail d'autrui, ainsi que le prescrit la loi de Mosché. Les années s'écoulaient, le vieillard s'avança grandement en âge, il n'éprouva cependant aucune infirmité corporelle, la vue ne le quitta pas et aucune dent de sa bouche ne tomba, et son esprit ne connut jamais un moment de délire. Mais semblable à un enfant, il portait dans toutes ses occupations la vigueur de la jeunesse, et il conserva ses membres entiers et exempts de toute douleur. Sa vieillesse était fort avancée, car il avait atteint l'âge de 111 ans. Juste et Simon, fils aîné de Joseph, ayant pris des épouses, allèrent dans leur famille, et ses deux filles se marièrent aussi et elles se retirèrent dans leur maison. Il resta dans la maison de Joseph, Jude, Jacques le mineur, et ma mère, et je demeurai avec eux comme si j'avais été un de ses fils, et avais passé toute ma vie sans avoir commis aucune faute. J'appelai Marie, ma mère, et Joseph, mon père, et je leur étais soumis en tout ce qu'ils prescrivaient. Je ne leur ai jamais désobéi, je me conformais à leur volonté, comme le font les autres hommes qui naissent sur la terre. Je n'ai jamais provoqué leur colère, ni leur ai opposé une parole dure ou une réponse qui montrait de l'irritation. Au contraire, je leur ai témoigné un grand attachement, les chérissant comme la prunelle de l'œil. Il arriva ensuite que l'instant de la mort Joseph le Pieux approcha et le moment vint où il devait quitter ce monde, comme les autres hommes assujettis à retourner à la terre. Son corps étant près de sa destruction, l'ange du Seigneur lui annonça que l'heure de sa mort était proche. Alors la crainte s'empara de lui et son esprit tomba dans un trouble extrême. Se levant, il alla à Jérusalem et entré dans le temple du Seigneur, il répandit des prières devant le sanctuaire, il dit « Ô Dieu, auteur de toute consolation, Dieu de toute miséricorde, Seigneur du genre humain entier, Dieu de mon âme, de mon esprit et de mon corps. Je t'adore en suppliant, mon Dieu et Seigneur, si mes jours sont déjà consommés et si le temps arrive où je dois sortir de ce monde, Envoie, je te le demande, le grand Michael, le prince de tes anges, et qu'il demeure avec moi afin que mon âme misérable sorte de ce corps débile sans souffrance, sans crainte et sans impatience. Car une grande épouvante et une violente tristesse s'emparent de tous les corps au jour de leur mort, qu'ils soient hommes ou femmes, bêtes des champs ou des bois, qu'ils rampent sur la terre ou qu'ils volent dans l'air. Toutes les créatures sous le ciel, dans lesquelles est l'esprit de vie, sont frappées d'horreur, de grande crainte, et de répugnance extrême, lorsque leurs âmes sortent de leur corps. Maintenant, mon Dieu et Seigneur, que ton Saint-Ange prête assistance à mon âme et à mon corps jusqu'à ce que leur séparation se soit opérée. Et que la face de l'ange désigné pour me garder depuis le jour où j'ai été formé, ne se détourne pas de moi mais qu'il soit mon compagnon jusqu'à ce qu'il me conduise à toi. Que son visage soit pour moi plein d'allégresse bienveillante et qu'il m'accompagne en paix. Ne permets pas que les démons à l'esprit effrayant s'approchent de moi sur le chemin par lequel je dois aller, jusqu'à ce que je parvienne heureusement à toi. Ne permets pas que les gardiens du paradis m'interdisent l'entrée. En dévoilant mes fautes, ne m'expose pas à la honte en face de ton tribunal terrible. Que les lions ne se précipitent pas sur moi, et que les flots de la mer de feu que toute âme doit traverser ne submergent pas mon âme avant d'avoir contemplé la gloire de ta divinité. Dieu juge très équitable, qui juge les mortels dans la justice, qui traite chacun selon ses œuvres, assiste-moi dans ta miséricorde, éclaire ma voie pour que je parvienne à toi, source abondante de tous biens et glorieux pour l'éternité. Ainsi soit-il. Revenu chez lui dans la ville de Nazareth, il arriva ensuite que Joseph fut retenu au lit, saisi par la maladie. Le temps venu où il devait mourir, ainsi qu'est le destin de tous les hommes, il éprouva une vive souffrance de maladie. C'était la première qu'il en fut atteint depuis le jour de sa naissance, ainsi qu'il avait plu au Messie d'ordonner les choses relatives à Joseph. Il vécut 40 ans avant de contracter mariage, et sa femme passa avec lui 49 ans. Quand il fut écoulé, elle mourut. Un an après sa mort, les sacrificateurs confièrent à Joseph la garde de Marie ma bénie-mère jusqu'au temps des noces. Elle resta 2 ans dans sa maison, et la 3e année de son séjour chez Joseph, alors âgée de 15 ans. Elle m'enfanta sur terre par un mystère qu'aucune créature ne peut pénétrer ni comprendre, si ce n'est moi, mon Père et l'Esprit Saint, constituant avec moi une essence unique. L'âge de mon Père, ce juste vieillard, arriva ainsi à 111 ans, mon Père céleste l'ayant voulu. Le jour où son âme se sépara de son corps était le 26e jour du mois de Ab. Il commença à perdre un or d'éclatante splendeur, c'est-à-dire son intelligence à la science. Il prit du dégoût pour les aliments et la boisson, et il perdit toute son habileté dans l'art de charpentier. Le 26e jour du mois de Ab, il arriva que l'âme du vieillard Joseph le Juste s'inquiéta pendant qu'il était en son lit, car il ouvrit sa bouche en poussant des soupirs et il frappa ses mains l'une contre l'autre, et il cria d'une voix élevée de cette manière. Malheureux le jour auquel je suis né dans ce monde. Malheureux le ventre qui m'a porté. Malheureuses les entrailles qui m'ont reçu. Malheureuses les mamelles qui m'ont allaité. Malheureux les pieds sur lesquels je me suis soutenu. Malheureuses les mains qui m'ont porté, qui m'ont élevé jusqu'à ce que j'eusse grandi, car j'ai été conçu dans l'iniquité, ma mère m'a engendré dans le péché. Malheur à ma langue et à mes lèvres, qui ont parlé et proféré des paroles de vanité, de reproches, de mensonges, d'ignorance, de dérision, d'instabilité et d'hypocrisie, malheur à mes yeux qui ont contemplé le scandale, malheur à mes oreilles qui se sont complues au discours des calomniateurs, malheur à mes mains qui ont pris ce qui n'était pas leur propriété, malheur à mon ventre et à mes intestins qui ont voulu une nourriture dont l'usage leur était interdit, malheur à mon gosier qui consumait tout ce qu'il trouvait comme du feu, malheur à mes pieds qui ont cheminé dans des voies déplaisantes à Dieu, malheur à mon corps et malheur à mon âme rebelle à son Créateur Dieu. Que ferai-je lorsque j'arriverai à l'endroit où je dois paraître devant le juge de toute intégrité, lorsqu'il me reprochera les œuvres que j'ai accumulées dans ma jeunesse? Malheur à tout homme qui meurt dans ses péchés. Cette heure terrible qui a déjà frappé mon père Jacob, lorsque son âme s'envola de son corps, la voici, elle est proche. Oh que je sois le misérable digne de compassion aujourd'hui. Mon Dieu seul le directeur de mon âme et de mon corps, qu'il agisse avec eux selon son bon vouloir. Telles furent les paroles que prononça ce juste vieillard Joseph. Et moi, entré pour m'approcher de lui, je trouvai son âme violemment troublée, il était livré à une grande angoisse. Je lui dis : Salut mon père Joseph, homme juste, comment est ta santé ? Et il me répondit : Je te salue maintes fois, mon fils chéri. La douleur et la crainte de la mort m'ont déjà entouré. Mais aussitôt que j'ai entendu ta voix, mon âme a connu le repos. Ô Jésus de Nazareth, Jésus mon consolateur, Jésus le libérateur de mon âme, Jésus mon protecteur. Jésus, nom très doux dans ma bouche et pour ceux qui l'aiment. Œil qui voit, oreille qui entend, exauce-moi, moi ton serviteur. Je te vénère aujourd'hui en toute humilité, je répands mes larmes devant toi. Tu es mon Seigneur, ainsi que l'ange me l'a annoncé bien souvent, surtout en ce jour où mon âme s'agitait de mauvaises pensées à cause de la pure marée qui avait conçu, et que je songeais à renvoyer en secret. Car tandis que je méditais ce projet, voici que par un mystère admirable, les anges du Seigneur m'apparurent dans mon sommeil en me disant : Ô Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour fiancée, ne t'afflige pas de ce qu'elle a conçu, ne profère pas à cet égard des paroles répréhensibles, car elle est fécondée par l'opération de l'Esprit Saint, et enfantera un fils, qui portera le nom de Jésus. C'est lui qui rachètera les péchés de son peuple. Ne reprends pas ma faute, Seigneur, j'ignorais les mystères de ta nativité. Je me souviens du jour qu'un enfant périt par la morsure d'un serpent et que ses parents voulaient te livrer à Hérode en disant que tu l'avais fait mourir, mais tu le ressuscitas des morts et tu le rendis. Quand je m'approchais de toi et te pris la main en te disant « Prends garde à toi mon fils ». Mais tu m'as répondu « N'es-tu pas mon père suivant la chair, je t'enseignerai qui je suis ». Et maintenant mon Seigneur, ne t'irrite pas de moi, ne me condamne pas à cause de cette heure, car je suis ton esclave, le fils de ta servante. Toi tu es mon Seigneur et mon Sauveur, le Fils de Dieu. » Après que Joseph eut parlé ainsi, il ne pouvait pleurer davantage, et je vis que la mort le dominait déjà. Ma mère se leva et dit en s'approchant de moi : « Mon fils, Joseph va trépasser. » Je lui répondis : « Mère, cette nécessité même de mourir fut imposée à toutes les créatures qui naissent en ce monde, la mort l'a obtenue comme son droit assuré sur toute la race humaine. Et toi ma mère, et tout le reste des êtres humains, vous devez vous attendre à voir se terminer votre vie. Et je vous dis que tous les saints, et encore plus tous les hommes qui naîtront dans ce monde, qu'ils soient justes ou pervers, doivent nécessairement goûter à la mort. Pourtant ta mort et la mort de ce pieux vieillard n'est pas une mort mais une entrée dans la vie éternelle qui ne connaît pas de fin. Le corps que j'ai reçu de toi est également sujet à la mort. Mais lève-toi, approche-toi de Joseph afin que tu vois ce qui arrivera au moment où son âme se séparera de son corps. » Marie alla et entra dans le lieu où était Joseph. J'étais assis à ses pieds, le regardant. Les signes de la mort apparaissaient déjà sur son visage. Il leva la tête et me regarda en fixant les yeux sur moi, mais n'avait aucune force de parler à cause de la douleur de mort qui le tenait enfermé. Il poussait de grands soupirs. Je tins ses mains durant l'espace d'une heure entière, car il avait tourné son visage vers moi et me faisait signe de ne pas l'abandonner. Puis j'ai posé ma main sur sa poitrine et je pris son âme, déjà près de sa gorge, au moment de sortir de sa retraite. Quand ma mère vit que je touchais le corps de Joseph, elle lui toucha les pieds et les trouva déjà refroidis et privés de vie. Elle me dit : « Ses pieds ont commencé à se refroidir, froid comme la neige. » Ayant réuni ses fils et ses filles, elle leur dit : « Venez tous tant que vous êtes et approchez de votre père, car son dernier moment est certainement arrivé. » Assia, la fille de Joseph, dit : Malheur à moi, mes frères, car c'est la même maladie dont est morte notre mère. Elle pleura et poussait des cris de douleur, et tous les autres enfants de Joseph répandirent aussi des larmes. Moi et ma mère Marie pleurions avec eux. En me tournant, je vis la mort s'approcher, et avec elle toutes les puissances de l'abîme, leurs armées et leurs satellites, leurs vêtements, leurs bouches, leurs visages jetaient du feu. Quand mon père Joseph les vit venir à lui, ses yeux furent inondés de larmes. En même temps, il gémit. Voyant alors la violence de ses soupirs, je repoussai la mort et toute la foule de ses ministres dont elle était accompagnée, et j'invoquai mon Père miséricordieux. Ô Père de toute clémence, œil qui voit, oreille qui entend, écoute mes supplications et prières pour le vieillard Joseph. Envoie Michaël le prince de tes anges et Gabriel le héros de la lumière, et toute la lumière de tes anges. Que tout leur ordre chemine avec l'âme de mon père Joseph jusqu'à ce qu'il te l'ait amené. Voici l'heure où mon père a besoin de miséricorde. Michaël et Gabriel vinrent vers l'âme de Joseph et la prirent dans un linceul éclatant. Et il rendit l'âme dans les mains de mon père le miséricordieux. Et la paix lui fut accordée. Aucun de ses enfants ne sut qu'il s'était endormi. Les anges préservèrent son âme des démons des ténèbres qui étaient placés sur la route et louèrent Dieu jusqu'à ce qu'il les conduit au lieu où habitent les justes. Son corps resta étendu, sans couleur, et j'approchai mes mains de ses yeux et les fermai ainsi que j'avais fermé sa bouche, et je dis « Ma mère, où est l'art auquel il s'est consacré tout le temps qu'il a vécu en ce monde, il a péri avec lui ?» Il est comme s'il n'avait jamais existé. Quand les enfants de Joseph entendirent que je parlais avec ma mère, ils connurent qu'il avait expiré. Ils versèrent des larmes et crièrent de douleur. Je leur dis : la mort de votre père n'est pas la mort, mais la vie éternelle. Délivré des épreuves de ce siècle, il est entré dans le repos éternel qui ne connaît pas de fin. Quand ils entendirent ces paroles, ils déchirèrent leurs vêtements en pleurant. Apprenant leur désolation, des gens de toute la Galilée et quelques habitants de Nazareth vinrent et pleurèrent depuis la troisième jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure ils allèrent tous à la chambre de Joseph et emportèrent son corps, après l'avoir frotté de parfums précieux. Je m'adressai en prière à mon Père Céleste, cette même prière que j'écrivis de ma main avant que je fusse dans le sein de la Vierge Marie. Dès que je l'eus fini et que je dis Amen, une grande multitude d'anges apparut, et j'ordonnai à deux d'entre eux d'étendre une étoffe éclatante et d'envelopper le corps de Joseph. Je m'approchai de Joseph et dis : que l'odeur de mort et la puanteur ne dominent pas en toi, que nul ver ne sorte de ton corps. Qu'aucun de tes membres ne soit brisé, ni un cheveu arraché de ta tête, qu'aucune partie de ton corps ne périsse, mais reste sans corruption jusqu'au festin de mille ans. Que tout mortel qui aura eu soin de faire ses offrandes au jour de ta commémoration soit béni. Je le récompenserai dans la congrégation des fidèles. Qui aura donné de la nourriture aux indigents, aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, leur distribuant le fruit du travail de ses mains le jour que l'on célèbre ta mémoire, en ton nom, ne sera pas dénué de bien durant tous les jours de sa vie. Qui en ton nom aura donné à une veuve ou un orphelin un verre d'eau pour se désaltérer, je lui accorderai que tu partages avec lui le banquet des mille ans. Je bénirai tout homme qui aura soin de faire ses offrandes le jour de ton souvenir, et je le lui rendrai dans la congrégation des fidèles, je le lui rendrai jusqu'à 30, 60, 100 pour un. Qui retracera l'histoire de ta vie, tes épreuves, et séparations du monde, et ce discours sorti de ma bouche, je le confierai à ta garde tant qu'il demeurera en cette vie. Quand son âme désertera son corps, qu'il lui faudra quitter ce monde, je brûlerai le livre de ses péchés, je ne le tourmenterai d'aucun supplice au jour du jugement. Il traversera la mer de feu et la franchira sans douleur ni obstacle. Celui auquel il naîtra un fils et qui lui donnera le nom de Joseph n'aura pas de part à l'indigence et à la mort qui ne finit pas. Tel ne sera pas le sort de tout homme avide et dur qui n'accomplira pas ce que j'ai prescrit. Les principaux habitants de la ville se réunirent ensuite dans le lieu où était placé le saint corps du vieillard Joseph. Ils apportaient avec eux des bandes d'étoffe, dont ils voulurent l'envelopper selon l'usage répandu parmi les Juifs, mais ils trouvèrent que son linceul tenait si fortement à son corps, que lorsqu'ils cherchèrent à l'enlever, il ne pouvait être déplacé et avait la dureté du fer. Ils ne purent trouver aucune couture qui en indiquait les extrémités, ce qui les remplit d'un grand étonnement. Quand enfin ils le portèrent auprès de la caverne et qu'ils ouvrirent la porte pour placer son corps avec ceux de ses pères, alors il me revint à l'esprit le jour où il cheminait avec moi vers l'Égypte. Je me remémorai toutes les peines qu'il avait supportées à cause de moi, et je pleurai sa mort beaucoup de temps. Et me penchant sur son corps, je dis: ô mort qui fait évanouir toute science, et qui excite tant de larmes et tant de cris de douleur, certes c'est Dieu mon Père qui t'a accordé ce pouvoir. Les hommes meurent suite à la désobéissance d'Adam et de sa femme Ève. La mort n'épargne aucun d'entre eux, mais nul ne peut être retiré de ce monde sans permission de mon Père. Il y a eu des hommes dont la vie s'est prolongée jusqu'à 900 ans, mais ils ne sont plus. Tous ont succombé et aucun d'eux n'a jamais dit « je n'ai pas goûté la mort », quoique longue ait été la carrière de certains d'entre eux. Il a plu à mon père d'infliger cette peine à l'humain. Aussitôt que la mort vit quel commandement lui venait du ciel, elle a dit « j'irai contre l'homme, je ferai autour de lui un grand ébranlement ». Adam ne s'était pas soumis à la volonté de mon père et avait transgressé ses ordres. Mon père se mit en colère contre lui et l'a livré à la mort. C'est ainsi que la mort est entrée en ce monde. Si Adam avait observé les ordres de mon père, la mort n'aurait jamais eu d'empire sur lui. Pensez-vous que je ne pourrais pas demander à mon père de m'envoyer un char de feu pour recevoir le corps de mon père Joseph, pour le transporter au séjour de repos ou habiter avec les saints? Mais cette angoisse, cette punition de mort, est descendu sur toute la race humaine à cause du détournement d'Adam. C'est pour ce motif que je dois mourir dans la chair, non à cause de mes œuvres, mais pour que les hommes que j'ai créés obtiennent grâce. Ayant dit ces paroles, j'embrassai le corps de mon père Joseph et pleurai sur lui. Les autres ouvrirent la porte du sépulcre et ils déposèrent son corps à côté du corps de son père Jacob. Lorsqu'il s'endormit, il avait accompli 111 ans. Aucune dent ne lui occasionna jamais de douleur, ses yeux conservèrent toute leur pénétration, sa taille ne se courba pas, ses forces ne diminuèrent pas, il s'occupait de sa profession d'ouvrier en bois jusqu'au dernier jour de sa vie. Et ce jour fut le 26e du mois de Ab. Après que nous, les apôtres, l'avons entendu, nous nous sommes levés et lui avons rendu hommage en nous inclinant profondément. Nous avons dit: tu nous as fait grande grâce d'entendre les paroles de vie. Nous sommes surpris quant au sort d'Enoch et d'Eliaou Élie qui n'ont pas été sujets à la mort et habitent la demeure des justes jusqu'au jour présent, car leurs corps n'ont pas vu la corruption. De Joseph ton père suivant la chair, quand tu nous as ordonné d'aller dans le monde entier prêcher le saint évangile, tu as dit: annoncez-leur la mort de Joseph, célébrer le jour consacré à sa fête par une sainte solennité. Qui retranchera ou ajoutera quelque chose de ce discours commettra un péché. Aussi nous sommes surpris que depuis le jour que tu es né à Bethléem, Joseph t'a appelé son fils suivant la chair. Pourquoi ne l'as-tu pas rendu immortel ainsi que le sont Enoch et Eliaou? Car tu dis qu'il fut juste et élu. La prophétie de mon père s'est accomplie sur Adam à cause de sa désobéissance. Car toute chose s'accomplit suivant la volonté de mon Père, répondit le Seigneur. Si l'homme transgresse les préceptes de Dieu, s'il accomplit les œuvres du diable en commettant le péché, son âge s'accomplit, il se conserve en vie pour pouvoir faire pénitence et éviter d'être remis aux mains de la mort. S'il s'est appliqué aux bonnes œuvres, la durée de sa vie est prolongée pour que la réputation s'accroisse par sa vieillesse et que les justes imitent son exemple. Un homme que vous voyez l'esprit se mettre en colère promptement, ses jours seront abrégés. Ce sont ceux qui sont enlevés à la fleur de leur âge. Chaque prophétie que mon Père a prononcée concernant le Fils des hommes doit s'accomplir en toutes choses. Et pour ce qui concerne Enoch et Eliaou, ils sont encore en vie aujourd'hui, conservant les mêmes corps quand ils sont nés. Quant à mon Père Joseph, il ne lui a pas été donné de rester dans son corps comme à eux, même si un homme aurait vécu des myriades d'années sur cette terre, il serait malgré tout forcé de changer la vie contre la mort.